Charlotte ? Oui, venez plus près, hein, il y a encore de la place devant, et si vous voulez bouger avec nous, ce sera avec plaisir de pouvoir danser un peu. Yeah. que des fous, donc on va faire un petit morceau un peu plus doux. C'est un vieux morceau qui s'appelle Golden Years de notre premier album d'Antiquaze. Ça fait toujours plaisir de jouer des vieux morceaux parce que finalement on les joue plus trop. Donc c'est un petit peu spécial pour vous ce soir. Impressive, it's simple. merci beaucoup. On vous entend ces derniers. C'est super gentil à vous d'être venus, d'être restés. On est super content d'être à Nantes. On vient pas très loin, on vient manger, donc il n'y a pas beaucoup de mérite. Et on est super hâte de voir les suivants, Dog and Youth. On a eu la chance de les voir il y a 2 ans au Festival Lévitation chez nous. Et c'était assez énorme. Donc c'est un plaisir de partager la scène avec eux. Et aussi avec les copains de Journal, forcément. Donc, un petit dernier pour nous et on vous souhaite une bonne soirée. Ça s'appelle Texas Sky. Merci beaucoup. We'll be right back. Pour le plus beau, c'est pas venir dans le monde.